Écoutez. Oh, déjà 8 heures. Je ne me suis pas réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 8 heures et j'ai un rendez-vous à 8h30. Téléphone. Parle plus fort. Téléphone à ta secrétaire. Mais après? Lève-toi donc, prépare-moi mon petit déjeuner, fais quelque chose. Je ne suis pas réveillée. Eh bien, réveille-toi, aide-moi un peu. Me lever à 8 heures? Le seul jour où je peux rester. Ah, tu es vraiment gentil. Je t'apporte presque tous les jours le déjeuner dans ta chambre. Et pour une fois? Ça va, j'arrive. Que veut monsieur pour son petit déjeuner? Je n'ai pas le temps de m'amuser. Fais-moi vite du café et appelle un taxi. Est-ce que tu reviens déjeuner? Peut-être.